Merci Johnny. Et maintenant, avec le soutien du Crédit Agricole, voilà The Kitty Blue Pig. It's a long time ago. Because of I just want to cry. Thank you. Thank you.